le dis, je n'ai plus d'amour dans le cœur. Aujourd'hui, seule la colère emplit mon cœur. Et je veux que vous partagiez ma colère. Et je suis accablé. Et je veux que vous soyez tous accablés en moi. Oui! Propre poutre, je me soutiens seul, rien à foutre. Peu de liens noués, Noël jour de l'an, je m'en fous, j'ai pas de cloche, jamais ivre, esprit jamais flou. Même quand je souris, tu verras mes dents de loup, tu pourras tout lire de ma douleur, de la canine à la molaire. T'y grandis la rue, t'apprends les dures lois. Tu vois un con qui dit, j'ai plein d'amis, dis-lui de pur toi. Choisis bien pour qui tu vises, venge-le au minimum. Un ami qui se sauve, s'en va seul, laisse ses ennemis. Le mot ami marche avant le partage, je le jure. J'ai vu des ex, frangins qui pour la thune du shit se tuent. Les mêmes gens qui se moquaient félicitent la légende vivante du rap géant Jean-Jean BMC. C'est mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. C'est mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. C'est mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. C'est mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. Mets pas ta femme aux proches, femelle ou homme, car les femmes c'est jalousie énorme, les hommes suivent leurs hormones. Comme un sportif au saut à la perche, qui après son show chute, sans tapis qui amortisse. Tu te sens ainsi quand ta fille et ton sexe a la mauvaise fille, qui file avec le mauvais type de toute façon. L'amour un sentiment sorti des égouts, dans ma vie les filles changent de nom mais avec toutes le même goût. Et y'a les potes qui semblent solides, en fait tremblent, près d'un beau cul, te mettre merde la corde au cou. Puis secrètement se taisent, regrette j'ai eu droit à ce traitement quand ils baissent. Ils pensent jamais à ce qu'ils aiment vraiment. Crois-tu que je blague en clamant que ce qui fait ou défait un homme en un mot, ce sont ses amis, ses bonnes femmes c'est et ses ennemis. De vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. C'est mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. C'est mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. C'est mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. Je vois l'avenir comme un type myope qui la nuit porte des Ray-Ban surpassé d'un masque de Zorro dessus. Parce que le plus que je suis petit, j'ai su t'es noir, t'as beau suer plus que les autres, les hommes veulent t'écraser. Suite, je suis la race la plus haïe du monde, ça fout les jetons. J'ai le monde entier plus les frères qui veulent que je tombe. Les FN veulent me nuire de mes prouesses, c'est juste qu'aux choses de peine, merde. Mais d'où est-ce qu'il me connaît? Au bord du gouffre comme dans les films, voir peu de mains se pousser pour te secourir, toujours debout en frimé. Crois-tu que je suis né comme ça, tout a un prix, même ma haine mesure la tienne une puce, la mienne baleine. Ou compare toi Lilliput, moi Gulliver. Ou toi et tes potes, le reste du monde. Moi je suis le time bomb, je suis Oxmo, l'homme de la situation. Mes solutions fluctuent, trou duc, mon flot te tue. C'est mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. C'est mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. C'est mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. C'est mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. C'est mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. C'est mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. C'est mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. C'est mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. Gio Black Mafioso 1998.